Triscom, can you t'étonnes pas si tu nous parles et qu'on s'en bat. Si t'as mal, c'est qu'on a mis tout le bras. Chien d'hypocrite, pourquoi tu nous parles tout bas? Qui vivra, verra ou pas? Dans ton phone que des listes de huc. Bravo, je te félicite, fils de pute. Cigarillo, Zippo, Chivas, gros ins, plus sain, efficace. On a trop déconné, peut-être pas assez décollé. La matrice est codée, les connards arrêteront pas de m'étonner. Un paysage lunaire sous les yeux, y'a quoi pas du vide après les cieux. Si tu ris pas à quoi ta folie sert, je m'assis dans mon rocking chair. Un paysage lunaire sous les yeux, y'a quoi pas du vide après les yeux. Quoi par du vide après les yeux. Y'a quoi par du vide après les yeux. Bien sûr, je suis déçu. Pas pris la bonne issue. Pris la mauvaise pilule. D'ailleurs, je perdure. Sans toi, c'est une perdure. Disque caché, perdure. Bien sûr, je suis déçu. Pas pris la bonne issue. Si ça marche au ralenti et que la vie devient floue, que t'as l'impression de comprendre tout, mais t'es ce qui va rien. Adresse-toi au mur, ils s'en foutent autant que moi. Je suis con, mais je me battrai toujours pour l'être moi. Les artifices dans mon sang me kill. Je crois que je partirai pas la conscience tranquille. Je vais pas laisser grand chose quand je quitterai ce monde. Je suis dans un remake de Silent Hill. C'est grave ici, toi, triste. Raconte-moi tes cicatrices. On est tous dans la matrice. Tout est faux, même tes sens sont factices. Un paysage lunaire sous les yeux. Y'a quoi par du vide après les yeux. Si tu ris pas, quoi ta folie sert. Je suis mal assis dans mon rocking chair. Un paysage lunaire sous les yeux. Y'a quoi par du vide après les yeux. Quoi par du vide après les yeux. Y'a quoi par du vide après les yeux. Bien sûr, je suis déçu. Pas pris la bonne issue. Pris la mauvaise pilule. D'ailleurs, je perdure. Sans toi, c'est hyper dur. Disque caché, perdure. Bien sûr, je suis déçu. Pas pris la bonne issue. Un paysage lunaire sous les yeux. Y'a quoi par du vide après les yeux. Si tu ris pas, quoi ta folie sert. Je suis mal assis dans mon rocking chair. Un paysage lunaire sous les yeux. Y'a quoi par du vide après les yeux. Quoi par du vide après les yeux. Y'a quoi par du vide après les yeux. Un paysage lunaire sous les yeux. Y'a quoi par du vide après les yeux. Si tu ris pas quoi ta folie sert. Je me lasse de mon rocking chair. Un paysage lunaire sous les yeux. Y'a quoi par du vide après les yeux. Quoi par du vide après les yeux. Y'a quoi par du vide après les yeux.